Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter Un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi 15 septembre 2017. Il est 17h tout pile, c'est la rentrée d'Un coup d'œil dans le rétro. Alors une fois par mois, j'ai fait mon calcul depuis 5 ans, c'est la 5e saison. Nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors, l'équipe se fournit d'année en année, c'est plutôt sympathique, il y en a une qui reste à son poste depuis un certain temps déjà, depuis le tout début, c'est-à-dire en 2013, sur la saison 2013-2014, c'est Anaïk. Bonjour à toi Anaïk. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va bien, merci. Les vacances se sont bien passées ? Très bien, oui. Très bien, c'est la rentrée, maintenant il faut faire sa rentrée, hein. Et puis coup d'œil aussi, hein. On va passer une belle saison ensemble. Il y a aussi nos deux autres chroniqueurs, Christelle qui nous a rejoint depuis la saison dernière. Bonjour, bonjour. Ça va Christelle ? Ça va, oui. Ton été fut bon ? Merveilleux. Des colonies en tout genre ? Ah oui, en tout genre. 6 juillet, août, hein. Attends, c'est pour l'avoir déjà fait, c'est suffisamment fatigant pour rentrer de vacances et dire « je suis mort ». C'est ça. C'est ça. On met du temps à s'en remettre. On met du temps à s'en remettre. Et bien aussi Clément qui vient assez régulièrement et là qui nous fera aussi une petite chronique. On fera bien sûr un passage obligatoire par le Club Saint-Lambert. Clément, est-ce que ça va ? Super, et toi ? Bah écoute, oui, ça va plutôt bien. On aura aussi d'autres chroniqueurs dans cette saison. Notre Jack National, on lui fait un coucou. Jack, j'espère oui, que tu l'embrasse. Vas bien. Voilà, là d'où tu es, mais qui parle comme s'il était en dehors de la terre. On pense aussi à ceux qui ne sont plus là. Voilà, Jack, mais qui reviendra ponctuellement, mais qui maintenant, c'est Jack le Parigo. Maintenant, c'est son surnom, c'est comme ça, c'est Jack la Cuillère, Jack le Parigo. Tu vois, c'est comme les noms un peu des gangsters dans les années 80, années 60, un peu plus. Donc c'est ça. Il y aura aussi Laura qui viendra nous rejoindre. Ouais. Qui était venu pour la friperie aussi, on a invité, qui nous fera une chronique aussi, voilà. On a plein de choses à faire, une belle saison qui recommence et on est très heureux d'être avec vous. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, Fadjet, un coup d'œil dans le rétro. Il y a aussi un blog qui est peu encore tout à fait à jour. Non mais je vais reprendre là, c'est la rentrée donc voilà. C'est ça, coup d'œil dans le rétro, le blog. Ouais. Vous pouvez nous contacter aussi sur notre mail, coup d'œil dans le rétro, @hotmail.com. Alors le sommaire du jour Anaïk. Alors le sommaire du jour, donc aujourd'hui on va parler avec Clément du Club Saint-Lambert, mais aussi surtout de leur futur événement donc qui aura lieu le 21 septembre donc sur Nancy, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. On va parler mode évidemment avec le retour du manteau en polainé que vous allez voir un petit en peu partout, ouais, vous allez voir partout dans les boutiques nancéennes. Et puis comme il fait suffisamment froid là, peut déjà... C'est d'actualité. Moi j'ai beaucoup de mal, je suis allergique au polainé. Ah bon ? Oh, du bouchon. Je ne sais même pas ce que c'est, moi. Alors, le polainé. Eh ben, on verra ça tout à l'heure. Je vous expliquerai tout à l'heure. Clément nous fera sa chronique. Ça sera sur quoi, du coup, alors, Clément ? Je vais vous parler de Fats Waller, un des plus célèbres pianistes des années 20. Très connu. Voilà. Et puis, on parlera déco avec la tendance macramé. Voilà. On peut aussi voir un petit peu dans toutes les revues de déco partout. Et puis, on parlera des sorties qu'il y a à faire dans le coin. Voilà. D'accord, en début de mois de septembre, enfin mi-septembre maintenant, il y a pas mal de choses, d'événements ça s'active, les Nancéens s'activent un petit peu dans les événements un peu rétro, donc pour septembre et puis début octobre aussi, donc on vous en dira plus tout à l'heure. Super, un programme qui promet d'être sympathique, nous sommes une heure ensemble, avant le week-end ça fait toujours du bien, je pense que vous allez passer votre week-end sympathique, et c'est encore mieux de le passer en début avec nous. Allez, on débute cette émission les amis, avec toi Clément, mais en tant qu'invité quelque part aussi, et le Club Saint-Lambert. Voilà, cette petite musique est encore bien, tu vois. Musique d'ambiance. Alors, le Club Saint-Lambert, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu en es son président. Il paraît, oui. C'est pareil. Tout à fait. Rappelle-nous un peu la genèse du club, parce que c'est aussi en lié à une rue en particulier. Oui, tout à fait. En fait, ça date de 2014. Avec un groupe d'amis, on avait pris le pari de faire venir, à titre privé à l'époque, un pianiste américain qui est champion du monde de piano style années 20. Ouais. Parce qu'en fait, aux États-Unis, tous les ans, il y a un concours qui rassemble plus de 400 pianistes du monde entier sur le thème des musiques des années 20 à 30. Et donc, ce gars-là avait gagné plusieurs fois le titre de champion du monde et on avait commencé à faire connaissance quelques années avant. Et on se connaissait depuis un ou deux ans en 2014. Et j'avais fini par lui dire, bah écoute, il faut que tu essayes de venir à Nancy. C'est une super ville, tout ça, machin. Et donc, il avait profité d'une tournée européenne dans des clubs de jazz en Italie et aux Pays-Bas pour venir à Nancy. On avait essayé de s'organiser et on avait réussi pour qu'il ait quelques jours entre ces deux tournées, voilà. Et donc il est venu à Nancy et on a organisé un concert dans un restaurant chez Vassili, derrière la pépinière, et aussi une grosse soirée chez moi à titre privé. Donc du coup c'est à partir de là que tout est parti. On s'est tous dit tiens, on devrait monter un truc, un vrai truc, une asso, un club de jazz. On savait pas trop à l'époque, mais voilà, ça avait tellement bien marché, on avait tellement aimé organiser tout ça que voilà. Et donc, effectivement, quelques mois plus tard, on a créé l'association qui s'appelle Club Saint-Lambert, en rapport avec tout simplement l'adresse du siège social de l'époque qui était chez moi, ton domicile, rue Saint-Lambert. Voilà. C'est ça. Donc depuis, pas mal de choses sont passées, des événements en tout genre, concerts, des soirées dansantes, des expositions. Du cinéma muet aussi. T'étais venu la dernière fois pour parler notamment de la soirée Bowling in the 50s. Oui. C'était là, c'était en décembre de l'année dernière, donc ça s'est bien passé. Bah écoute, oui, super. Donc voilà, là c'était on couvrait plutôt la partie années 50 de l'histoire parce que on s'est donné le pari en créant l'asso de faire revivre la culture des années 20 à 60. Et donc des fois on est plutôt côté années 20 et des fois on est plutôt côté années 50 sur nos événements. Et là effectivement en l'occurrence c'était plutôt 50s et c'était du bon vieux rock'n'roll quoi, dans un bowling. Et donc à Vendeuvre, ça s'est super bien passé. Ouais. Dans un autre registre, t'es venu aussi en février, hein, finalement t'es venu assez régulièrement. Et là pour nous parler d'événements, le jazz à 100 ans qui a eu lieu à la salle Poiret, l'événement majeur du Club Saint-Lambert sur cette année 2017. Oui, c'était notre plus gros événement de loin, plus ambitieux qu'on ait jamais mis en place. Et oui, on l'a organisé pour qu'il ait lieu le 26 février 2017, 100 ans jour pour jour après le premier enregistrement de jazz qui a eu lieu le 26 février 1917. Voilà, et aujourd'hui tu reviens pour nous parler d'un autre événement, donc voilà. Vous avez des adhérents, donc au-delà de ça on parlera un petit peu aussi des adhérents qui suivent assez régulièrement comme ça, un petit groupe d'une peut-être 50-80 personnes qui suivent assez régulièrement vos événements dans l'année. Alors en termes d'adhérents, ouais, on est plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Ouais, on a une centaine de 106, 107 je crois. D'accord. Je sais plus exactement. Et oui, après il y a toujours un noyau, entre guillemets, un noyau dur d'adhérents qui gravite autour de nos événements, mais on est toujours ouvert systématiquement au grand public, oui, à toute personne curieuse de faire des soirées originales ou de découvrir des choses sur la culture de l'époque. Et donc voilà, où effectivement on a souvent des adhérents qui viennent aux soirées, mais toujours beaucoup de grand public aussi. Ouais. Et là aujourd'hui tu reviens et tu viens nous parler donc d'un événement qui a lieu le 21 septembre, donc la semaine prochaine, ouais, au Caméo. Alors dis-nous-en un petit peu plus. Eh ben écoute, on a, après plusieurs mois de boulot, on a mis en place, on a enfin réussi à mettre en place un partenariat avec le Caméo Saint-Sébastien. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis un bon moment. Parce qu'à titre personnel, j'aime beaucoup le Caméo Saint-Seb, je vais souvent là-bas. Et donc du coup, on s'était dit, bon, ça fait deux fois qu'on fait des événements ciné-concerts. On les a fait dans une autre salle de cinéma jusqu'à présent, c'était au Ciné-Club de Sauru qui appartient au Crous, c'est une très jolie salle, soit dit en passant. Ouais. Et donc là, on s'est dit, bon, on va essayer de viser un peu plus grand en termes de salle et un petit peu plus au centre-ville, on va dire, un petit peu mieux situé. Et donc on a mis en place ce partenariat avec le Caméo Saint-Seb pour proposer au public dans et Lorrain la projection du film Metropolis de Fritz Lang, donc un des plus vieux films de science-fiction du cinéma. À l'époque, on considère plutôt ça comme de l'anticipation. Donc c'est un film du cinéma expressionniste allemand qui est sorti en 1927. D'accord. Donc cette année, on est dans les 90 ans. On aime bien fêter les anniversaires. C'est ça, j'ai remarqué ça, cet anniversaire. Et donc on pourra retrouver ce long métrage donc en salle. Tout à fait, ouais, donc au Caméo Saint-Seb, ouais, le jeudi 21 septembre à 20h30, et ce sera un ciné-concert. Donc il y a une particularité. Voilà, il y aura un pianiste qui va accompagner le film en direct sur un piano droit, sur un piano acoustique qu'on va faire mettre spécialement dans la salle pour l'occasion. Ouais. Et donc le pianiste va jouer comme ça se faisait à l'époque, quand il va jouer en direct sur le film. Alors, les tarifs, c'est 7 euros pour les adhérents, club, étudiants. Alors, pour être adhérent, qu'est-ce qu'on fait déjà pour être adhérent au Club Saint-Lambert? Et surtout, on a droit à quoi en étant adhérent au Club Saint-Lambert? Si tu savais. Plein de choses. On a droit à plein de choses. Ah. Alors, donc, effectivement, pour être adhérent, déjà, il faut payer. Oui. C'est important. Voilà, c'est comme toute adhésion. Même ici à Fadjet, il faut payer. Hein. Oui, donc en fait, pour être adhérent, effectivement, il suffit de s'adresser à nous. Alors, on a un site internet, on a notre page Facebook, clubsaintlambert.fr, tout attaché en toutes lettres. Et donc, pour nous rejoindre, il suffit de remplir un bon d'adhésion tout simple. Ouais. Ça coûte 20 euros. La cotisation, elle est à 20 euros. Et donc, elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Avec cette adhésion, on bénéficie de plusieurs avantages. Il y a premièrement les informations en avant-première sur tous nos événements. Ouais. Par exemple, là pour le caméo, nos adhérents étaient prévenus avant le grand public de la tenue de l'événement, donc ils pouvaient bloquer leur date. Et ils ont été aussi prévenus en avant-première de la mise en vente des places en billetterie. Parce j'allais éventuellement y venir tout à l'heure. C'est pas fréquent pour le caméo, mais on a fait en sorte qu'ils puissent mettre en vente les billets pour la séance de cinéma avant le 21 septembre. Donc là, la billetterie est ouverte. Ah, oui, d'accord. Et nos adhérents le savaient déjà avant le grand public. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Il y a toujours les infos en avant-première. Voilà. Il y a systématiquement des tarifs réduits. Donc par exemple, là, comme tu l'as très bien dit, il y a deux tarifs pour cette séance de ciné-concert. Il y a un tarif à 9 euros donc pour le grand public et un tarif à 7 euros pour les adhérents. Alors, la différence de prix, elle peut aller jusqu'à 10, 15 euros. Le 26 février dernier, à Salle Poirel, il y avait des différences de 10 euros entre les tarifs grand public et les tarifs adhérents. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième gros avantage. Et enfin, il y a aussi le fait qu'une fois par an, on organise la seule soirée qui est privée du Club Saint-Lambert, et celle-ci est uniquement réservée aux adhérents du club. Par contre, elle leur est offerte. Elle est gratuite. Donc c'est la soirée adhérent. Il y a quasiment toujours, il y a toujours un concert d'un jazz band du coin. Et voilà, donc c'est souvent c'est un repas concert. Voilà, donc il y a aussi ce fameux petit avantage de la soirée privée, soirée du club. On vous contacte directement pour être adhérent, c'est simple. Tout à fait, ouais. On peut écrire à la page Facebook, envoyer un mail. Il y a aussi. Tu peux nous rappeler le mail d'ailleurs? Alors c'est contact@clubsaintlambert.fr. Club Saint-Lambert en toutes lettres, tout attaché, comme l'adresse du site. D'accord. Club Saint-Lambert. D'accord. Et bien voilà, prochain événement, 21 septembre. On le rappellera un petit peu tout à l'heure au caméo Nancy avec le célèbre Metropolis de Fritz Lang. Allez, on fait une première pause musicale, les amis. C'est Fats Domino. Tu peux nous en dire un peu plus sur Fats Domino, toi, Clément, qui connais bien toute cette époque-là? Alors, c'est un autre Fats. Moi, je connais. Fats. Je connais un autre Fats, mais Fats Domino, c'est un pianiste et chanteur des années. Alors, il était plutôt connu dans les années 40-50, je crois. Ouais. Donc, plus tard que celui dont je vais vous parler après. Et lui, son truc, c'était plutôt le rock'n'roll et le boogie. D'accord. Donc, lui, il a beaucoup participé à faire connaître le rock'n'roll à ses débuts, quoi. Il a un jeu super nerveux au piano. D'accord. Voilà, donc, c'est Fats Domino, Blueberry Hill sur Fadjet, les amis. Il est 17h14 tout pile. On est ensemble jusque 18h. C'est la rentrée d'un coup d'œil dans le rétro. Allez, à tout de suite. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody. Melody, but all of the vows you made were only to be. So we're boy. You caught a beast still. Oh, you were my thrill on Blueberry Hill. Fats Domino. Blueberry Hill. Mais c'est quelle fréquence déjà ? Et à quelle heure ? Un coup d'œil dans le rétro ? C'est sur 94.2 et à 17h, le troisième vendredi de chaque mois. Artistes, mode, déco, sorties, une émission pour tous les amoureux du rétro d'hier et d'aujourd'hui. De 17h à 17h30, un coup d'œil dans le rétro sur 94.2 ou www.fadjet.net. Alors les amis, vous l'aurez compris, c'est un petit peu notre bande-annonce ancienne, hein. Il n'y avait pas eu de problème, hein. C'est vrai qu'on pense que le bouton déconne, mais pas du tout, c'était fait exprès, c'est à l'ancienne, c'est comme ça, on a mis les moyens, hein. Alors, un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois, c'est le mois de septembre, la rentrée. Alors je sais, les vacances nous paraissent déjà assez loin quand même, hein. Bah c'est-à-dire que oui, on a l'impression qu'on est revenu depuis 6 mois. C'est-à-dire que surtout qu'avec cette petite température hivernale, on peut dire ainsi. Et bien justement, ça va faire la transition avec notre chronique mode. On aime la mode aussi, la mode rétro, hein, pour certains qui s'habillent entièrement en rétro. Ça fait partie d'un style de vie, d'un mode de vie. Et bien nous, on vous fait part aussi des petits conseils mode, et notamment du retour du blouson ou manteau en peau lainée. En peau lainée. Lainée. Pas attaché. Attention, pas peau lainée. Peau lainée. En peau lainée. Qu'est-ce donc? Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de la mode dans les années 70. Ouais. Vous voyez les femmes avec des grands manteaux ou des blousons avec des cols en peau de mouton lainée. Ah, vous voyez oui, ou pas bah ce oui, que je veux oui, dire bah oui. Oui, voilà. Et bien, figurez-vous que l'hiver 2018, les manteaux en peau lainée, il y en aura partout, en fait. Voilà. Donc, on va pouvoir avoir super chaud avec mais c'est ça. C'est juste le col qui est en laine. Vous en avez. Ça... En fait, c'est une espèce de peau un peu retournée donc au niveau du manteau. Vous oui. avez un col donc en peau de mouton ou fausse peau de mouton. Ouais. Et puis vous pouvez aussi en avoir au niveau des manches. D'accord. Hein, voilà, retournée en fait. D'accord. C'est que de la peau, entièrement de la peau. Voilà. Donc c'est tout droit parachuté des années 70. Donc ça avait refait un petit peu surface en 2015. Mais comme la mode est un éternel recommencement, ouais. Vous allez pouvoir ressortir un petit peu votre peau lainée, votre petit manteau douillé en fait pour cet hiver 2018 qui à mon avis s'annonce des plus rudes. Voilà. Alors comment déjà la porter cette peau lainée ? J'ai l'impression de parler du pollen, peau lainée. Non mais je vous mettrai voilà une petite photo. Non mais je vous assure que vous avez déjà vu. On arrive à se rendre compte. Voilà. Donc comment le porter ? De différentes manières. Enfin ça dépend évidemment de votre morphologie. Donc si vous avez des rondeurs, vous pouvez choisir une veste un petit peu avec une coupe évasée. Donc ça donnera l'illusion d'une courbe en fait. Vous pouvez le mettre en fait avec une robe un peu froncée. Ça soulignera légèrement votre taille, mais ça ne sera pas trop près du corps. Donc ça peut être top. Maintenant, si vous êtes grande, mesdames, faudra mettre une longue pièce donc imposante, portée donc avec une ceinture, avec aussi par exemple d'une façon un peu flair. Donc flair, on en a déjà parlé dans le coup d'œil dans le rétro. Ça fait un peu 70s et vous pouvez éviter ainsi l'aspect filiforme parce que souvent les grandes personnes, voilà, on a l'impression que c'est des grandes tiges comme ça. Donc voilà, ça met des formes. Je suis une tige, moi. C'est vrai que t'es une grande tige. Aussi, t'es une tige, Christelle. Moi aussi, je crois que je suis une tige. Bon, alors il y a les tiges, mais il y a aussi les petits, les petites en fait. Des petites tiges. Voilà. Donc pour les petites personnes, en fait, voilà, pour pas écraser donc votre silhouette, oui. Vous pouvez prendre donc un perfecto qui a l'avantage en fait d'être court et cintré. Vous pouvez l'associer donc avec une petite jupette et avec des talons pour élancer un peu l'allure. Alors bon, je vous dirais que voilà, c'est vraiment féminin ce que je viens de dire, hein, parce que voilà, les jupettes pour les messieurs, évidemment, ça va pas quoi. Et si on a des, s'ils sont écossais. Ah oui, c'est ça. Oui, bah, c'est oui. vrai, mais j'en vois pas beaucoup. Pas beaucoup, non. En fait. C'est vrai que c'est assez rare. Voilà. Voilà. Maintenant, pour celles qui ont un petit peu des bonnes fesses, quoi. Ah, je fais les bonnes fesses. Voilà, je fais un petit peu toutes les silhouettes, en fait. Hein, donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez opter pour une veste donc un peu plus longue, pour le coup, avec une jupe fluide qui ne va pas trop mouler en fait, vos formes. Et ça donnera voilà, un peu un aspect de légèreté, je dirais. D'accord. Voilà. Et pour les athlètes russes. Alors, des athlètes russes, voilà, qui sont un peu carrés, qui ont des épaules. Donc l'idéal, c'est le blouson droit, donc qui rectifie un peu les proportions. Vous pouvez l'associer avec voilà un camaïeu de couleurs, donc des couleurs un peu douces, et ça va atténuer en fait l'effet un peu trop carré, voilà, des épaules, des voilà, des épaules carrées en fait. D'accord. Voilà. Toi qui couds, Christelle. Oui. Tu veux pas nous coudre un pas la machine qui va pouvoir coudre de la polainée. D'accord. Parce que ça doit être pas mal épais quand même. Entre la moumoute du poil et la peau de cuir. Eh ben, explique-nous un petit peu ce que tu couds, toi. Tiens, tes ateliers, tout ça, ton activité. Alors, j'ai repris les cours de couture. Ouais. À domicile, ça peut être à l'atelier, sur rendez-vous le jeudi matin. Où est l'atelier ? Rue Jeanne d'Arc, ou 100 rue Jeanne d'Arc, ouais. En face de chez Jackie et Michel. C'est toujours une bonne solution pour que les gens sachent où c'est exactement. Ils m'ont demandé un ami, Jackie et Michel, sur Facebook d'ailleurs. Jackie Michel Store m'a demandé un ami, je vois JM, je dis qu'est-ce que c'est que ça ? Et je regarde, j'ai tout de suite compris. C'est chouette, Copains. Des nouveaux potes. Donc toi, c'est des ateliers destinés à tout le monde, enfants, adultes, seniors. Enfants, j'essaye de développer tout ce qui est animation d'anniversaire. Donc on peut s'amuser à bosser sur une thématique, enfin bosser, c'est toujours du loisir. Ouais. Par exemple, on va dire, allez, pour cet anniversaire-là de la petite Lisa, ça va être le thème du carnaval. D'accord. Alors on va faire peut-être des masques avec une petite robe qui sera avec des petites perles, des petites broderies, des choses comme ça. Ouais. Et voilà, ça c'était une nouvelle idée. Ouais. Voilà, une nouvelle idée. Donc ça ferait un petit groupe de filles, voire de garçons, parce que c'est jamais interdit qu'il y ait des garçons. D'accord. Un petit groupe de filles qui fêtent l'anniversaire d'une personne à domicile. Et on passe un après-midi, là, pendant 3-4 heures, à fabriquer. Elles repartent toutes avec un petit truc. Donc, chacune a son petit cadeau, même si c'est l'anniversaire que d'une petite. Mais ça, c'est une super idée, parce que moi, j'avais vu un reportage, en fait, notamment aux États-Unis, où les anniversaires, en fait, des enfants, en fait, les gamins aiment bien, en fait, avoir... voilà, c'est moi qui ai fait le plus bel anniversaire, où il y avait plein de choses, plein d'activités, plein de trucs, voilà, des activités originales. Et je trouve qu'en France, c'est vrai, on n'est pas encore trop comme ça. Et je trouve que ce genre de service, en fait, pour les enfants, c'est génial. Et en plus, on participe vraiment, crée vraiment un événement. Et puis ça change en fait, parce que moi je me souviens de mes anniversaires quand j'étais petite et que j'allais chez les copines, je courais dans des sacs plastiques autour de la maison, quoi. Et puis j'essayais d'attraper des pommes dans l'eau. c'était en 45, c'était après la guerre, quoi. Ouais, non, mais c'est avec les moyens du bord. Voilà, c'est avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, il y a d'autres choses. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres choses, des loisirs, voilà, de la création. Donc c'est cool. Si on fait ces ateliers de création, c'est exclusivement dans ton atelier à toi, tu te déplaces pas. Pour ce qui est les anniversaire, c'est plutôt chez les gens. Oui, chez les gens. À l'atelier, il y a une disponibilité le jeudi matin. Ouais. Donc là, ça peut être en groupe. C'est sur rendez-vous aussi. Et après, je me déplace aussi chez les gens, chez les particuliers, qui peuvent être plusieurs aussi. Hein. D'accord. Quelqu'un qui a envie d'apprendre à coudre avec sa pote. Hop, la pote vient aussi. Et puis... Donc ça, c'est le côté un peu formation et le côté de tes créations. Donc, Création, alors je fais du vêtement femme et du vêtement enfant. Mais je vais ralentir un petit peu. J'ai envie de me concentrer plus sur des accessoires. D'accord. Voilà. Ok. Donc peut-être plus des ceintures en tissu, peut-être plus des petits sacs, des petits trucs en fait. T'exposes prochainement quelque chose, quelque part ? Alors, ce dimanche, je serai chez Paulette. Ah, toi, je serai chez Paulette. Chez la Paulette à Toul. Ouais. Pour un petit événement autour du vintage, de la moto. D'accord. Voilà, ce dimanche. Et ensuite... Sinon, on peut venir te voir directement à l'atelier aussi. Voilà, mais ça c'est fait... Pas trop. C'est plus trop une boutique maintenant. Non, c'est plus c'est trop mon boutique. Lieu de travail. D'accord. Les gens peuvent venir sur rendez-vous. D'accord. Pour voir ce que je fais, mais... Ou tout du moins sur les réseaux sociaux. Voilà aussi. Moi, j'avais vu d'autres créations de toi. Tu fais pas aussi des illustrations un peu rigolotes avec... Alors ça, c'est l'autre partie de mon travail. Elle a beaucoup de parties dans son travail, celle-ci. C'est pour ça que je veux ralentir le vêtement, parce que je veux me concentrer aussi beaucoup sur la partie illustration autour de la pin-up moderne que vous avez déjà dû croiser. Et l'homme moderne aussi. Et l'homme moderne. La famille s'agrandira peut-être cette année. L'enfant ? Non, peut-être les grands-parents un peu funky qui vont faire plein de choses. Les retraités modernes, en fait. Franchement, c'est super chouette. Hein, si vous avez l'occasion de les voir, c'est Christelle Youplaboum sur Facebook. Kiki même pour les intimes. C'est Kiki pour les intimes. Voilà. Donc, plein de projets encore cette année. Voilà, faut juste reprendre du poil de la bête avec la polainée, ça va le faire. Voilà, ça bien, va le faire. Allez, justement, on va faire une pause musicale, les amis. C'est un artiste qui s'appelle Nick Waterhouse. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est tout jeune, il a 30 ans. Il est chanteur, compositeur et producteur américain de Los Angeles. Il fait du rhythm and blues, du jazz et de la soul. C'est un extrait de son troisième... Oui. fait de la soule. Il fait de la soule. Il est pas. Il fait de la soule. Elle fait de la soule. De la soule. C'est l'extrait de son troisième album, Nick Waterhouse, avec Leon Bridges. Et on le dit ainsi, je suis pas mal, hein. J'ai fait quand même anglais troisième langue en CM2, je suis pas mal. Et c'est catchy sur Fadjet, les amis. Alors on se retrouve juste après ça, un coup d'œil dans le rétro de 17h à 18h. Oh, sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors effectivement, vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts des émissions depuis le début, je crois, qu'ils sont en ligne sur le site www.fadjet.net, rubrique, bien sûr, un coup d'œil dans le rétro, et les podcasts, et toutes les informations qu'on diffuse sur vos événements. Alors voilà, je fais un petit appel, je l'ai fait ce matin sur Facebook, mais n'hésitez pas, si vous êtes des acteurs locaux du monde rétro, vintage, ou des passionnés, entre autres, de mode, déco, d'artistes en tout genre, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page Facebook, Fadjet, un coup d'œil dans le rétro, et on vous invitera dans une de nos émissions. Voilà, c'est une fois par mois, c'est le troisième vendredi de chaque mois. Et donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook et aussi même nous proposer des musiques qu'on essaiera de passer à l'antenne, comme à l'ancienne, les dédicaces, hein, on fait comme ça. Ça fonctionne souvent comme ça. Clément, toi tu es venu, il fut un jour, pour parler du Club Saint-Lambert, mais là en l'occurrence, tu deviens un petit peu animateur chroniqueur dans notre émission. Ça nous fait bien plaisir et tu vas nous parler d'un artiste en particulier. Oui, aujourd'hui, alors comme première chronique, je vais faire simple et modeste. Je vais tout simplement vous parler d'un des plus grands pianistes de jazz des années 20 à 30. J'ai nommé Thomas Wright Waller, plus connu sous le nom de Fats Waller. Alors, il faisait 120 kilos à l'adolescence. Alors, tout commence le 21 mai 1904 à New York avec la naissance de notre ami Fats, son père pasteur dans le quartier de Harlem. Alors, retenez bien, c'est important, hein, ouais. Harlem. Ayant besoin d'aide pour la tenue des cérémonies à l'église, le petit homme se retrouve rapidement derrière l'orgue et se met à jouer lors des offices, donnant en fait ses premiers concerts sans vraiment le savoir. Tout jeune déjà. Ouais, c'est ça. Bah, il a commencé, il s'est mis à l'orgue à 8-9 ans, quoi. D'accord. Et c'était, c'est un des trucs les plus impressionnants chez lui, c'est qu'au tout début, c'était en autodidacte. Il y avait sa mère qui jouait parce qu'elle aidait son père dans l'office religieuse, mais elle lui a montré 2-3 trucs, puis lui, il s'est mis derrière et à l'oreille. C'était comme ça, c'était voilà, à l'oreille, c'était inné chez lui. Bon, et du coup, il baignait dans une ambiance très ecclésiastique, avec des parents très... ecclésiastique. Et le souci dans l'histoire, c'est que Fats, il avait commencé par aller traîner du côté des bars clandestins, parce que du coup, il est né en 1904, mais quand il a eu 16 ans, on est arrivé en 1920, si vous êtes fort en maths. Oui. Et le 1er janvier 1920, il y a la mise en application d'une loi qui s'appelle le Volstead Act. Monsieur Volstead avait fait voter cette loi, et c'est la loi plus connue sous le nom de loi de la prohibition. Donc à partir du 1er janvier 1920, l'alcool est devenu interdit en consommation, en achat et en vente dans l'intégralité du territoire des États-Unis. Donc en 1920, Fats Waller, il a 16 ans, et lui, il commence à aller traîner du côté des bars clandestins, dans lesquels il avait commencé à se mettre au piano pour accompagner les soirées ou les bagarres, ce qui n'était pas vraiment prévu du côté de papa et maman, qui lui avaient plutôt prévu une carrière modèle d'ecclésiastique. Bon, c'est pas du tout, ce vers quoi va se tourner Fats comme carrière. Donc en se mettant à jouer dans ces bars, il s'est rapidement affranchi des partitions et de la musique écrite pour pouvoir jouer beaucoup plus librement et surtout, entre guillemets, improviser en fonction des musiciens qu'il accompagnait de temps à autre. Et au feeling des moments et de son humeur. Et donc il s'est très vite fait repérer par un ami de la famille qui est lui aussi traînait dans les bars mais il le disait pas trop à la famille. Oui. Qui s'appelait James P. Johnson. Et ce type-là, James P. Johnson, avait une vingtaine d'années de plus que Fats et était professeur de piano. Donc il a pris sous son aile Fats Waller et a commencé à lui donner des leçons régulièrement parce qu'il avait décelé l'énorme talent chez ce petit gars-là. Et il était connu pour 2 trucs, voilà, non ? Voilà, exactement. Johnson, ouais, en fait, bon, Johnson, il est quand même assez connu, mais il est surtout connu pour 2 choses. Bah, déjà, il a composé le morceau The Charleston, ouais, en 1924, qui a donné son nom à la fameuse danse de Charleston, dans la ville de Charleston, voilà. Et donc il est connu aussi pour avoir été le prof de Fats Waller. Donc voilà, c'est pas négligeable. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que rapidement Fats, l'élève va dépasser le maître. Dur pour l'ego. En fait non, c'était un mec qui avait pas trop d'ego. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc justement, ça s'est bien passé. Et justement, ça s'est tellement bien passé qu'à eux deux, ils ont continué à bosser ensemble et ils ont carrément développé, inventé un nouveau style de piano qui s'appelle le Harlem Stride. Alors bon, Harlem, c'est simple parce que c'est parce qu'on est à Harlem. Si ouais. vous avez retenu l'introduction de ma belle histoire. Et stride parce que stride en anglais, ça veut dire grand pas, grande enjambée. Et donc le style du Harlem Stride, il se traduit par à la basse, donc à la main gauche du piano, des grandes enjambées qui font 40-50 cm. La main, elle saute de gauche à droite pour faire la rythmique. De manière très rapide. Voilà, c'est ça, de manière très très rapide, beaucoup plus rapide qu'un autre style de piano qui s'appelle le ragtime. Et ça, j'en parlerai une autre fois. Ouais. Donc le stride est très rapide et la main gauche à la basse fait des grands grands pas. Et donc ça se caractérise à l'oreille par un oompa caractéristique. D'accord. Le fameux oompa du Harlem Stride que vous entendrez tout à l'heure. Et voilà. Et du coup, de par son talent inégalable, Fats Waller a commencé à être de plus en plus connu aux États-Unis, sur toute la côte est, puis la côte ouest. Bon, à l'époque, en termes de divertissement, il n'y avait pas Las Vegas, tout ça, donc c'était plutôt la côte est avec Atlantic City et Chicago. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'est mis à faire des tournées dans l'ensemble des États-Unis, et notamment à Chicago. Il est devenu vraiment célèbre à Chicago. Et il était tellement célèbre à un moment que pendant l'année 1926. Il se promène dans les rues de Chicago et d'un coup il y a une fourgonnette qui freine rapidement et qui monte sur le trottoir devant lui pour lui barrer la route. Il y a 2 bonhommes qui en sortent, 2 armoires à glace, qui lui mettent un flingue sur la tempe, ouf, une cagoule sur la tête et qui lui disent de monter dans la fourgonnette. Alors là pas le choix, il monte et tout, puis il se dit qu'est-ce que j'ai fait, j'ai oublié de payer un casino, j'ai oublié de rembourser ma dernière ardoise à tel bar, qu'est-ce qui va m'arriver. Et donc on le travaille dans toute la ville, on le fait sortir de la fourgonnette, rentrer dans un hôtel, on le balance dans un ascenseur pour pour aller au dernier étage d'une tour. Et là, donc il a toujours le sac sur la tête, hein, il sait pas où il est. Sorti de l'ascenseur, ça sent le tabac, ça sent le cigare, il entend des rires, des verres qui s'entrechoquent. Bref, on l'a amené à une soirée. On le fait asseoir, et là, on lui enlève la cagoule, et devant lui, Al Capone. Et donc, il regarde autour de lui, il y a Al Capone en face de lui, et on l'a fait asseoir à un piano. Et en fait, c'était la soirée d'anniversaire des 27 ans d'Al Capone. 27 ans? Et les lieutenants, il était déjà... C'est flippant, quoi. C'est l'impression, en fait, qu'il était vieux, mais non, pas du tout. C'est incroyable. Non, pas du tout, pardon. Ouais, c'est vrai. C'est la prohibition, donc justement, le fait que l'alcool soit devenu interdit a fait exploser la demande, hein, du grand public. C'est bien connu, quand on interdit quelque chose, les gens veulent absolument se le procurer. Et du coup, c'est comme ça qu'Al Capone a très rapidement grimpé en hiérarchie, grâce à la prohibition. Et donc à 27 ans, il se retrouvait déjà à la tête d'un empire bien développé à Chicago. Et donc ses lieutenants lui ont fait la surprise de kidnapper Fats Waller pour qu'il joue à la soirée de leur chef, quoi, de leur boss. D'accord. Et il a dit ça devait pas être simple pour se mettre tout de suite dans l'ambiance. Un petit peu. Mais en fait, Fats était assez détendu dans la vie quand même. Et surtout, il avait un petit penchant pour le niveau, surtout pour le gin et Capone aussi. Donc du coup, ils se sont rapidement trouvé un point commun. Et donc bon, bref, il s'est mis à jouer. Et l'histoire veut que les témoignages de l'époque, donc le fils de Fats Waller et d'autres copains de Fats Waller, ont raconté que il est ressorti seulement 3 jours après de l'hôtel. Donc d'accord, c'était un grand gros tour de Chicago. Il est ressorti seulement 3 jours après, encore complètement plein au gym, avec sous le bras un seau à champagne rempli de milliers et de milliers de dollars de pourboire. Il était payé $200 le morceau, ce qui à l'époque représente une somme énorme. Voilà, donc du coup, finalement, il s'est bien marré, quoi. Il s'est bien entendu avec Al Capone. Bon, voilà. C'était le pote d'Al Capone, tu vois, c'est quand même. Et voilà, donc il a joué pendant 3 jours. Et à mon avis, ça devait être assez sympa. Ils ont bu les meilleurs champagnes. Ça aurait des effets historiques assez incroyables. Ouais, c'est une sacrée anecdote. Ouais. Voilà, donc au final, sur toute sa vie, Fats Waller, il va enregistrer près de un tout petit peu moins de 500 morceaux et influencer la création et la composition d'autres morceaux, comme un certain Tout le monde veut devenir un cat. Il a influencé, alors je me souviens plus du tout comment s'appelle le compositeur de Tout le monde veut devenir un chat. Il est pas très connu, inconnu au bataillon, mais c'est le style et le personnage et le jeu de Fats Waller qui a influencé la tenue de ce morceau. D'ailleurs, si vous le réécoutez, j'ai hésité à la porter le morceau pour le faire écouter. Si vous l'écoutez, vous avez toujours ce fameux Oompa Oompa à la D'accord. basse dans Tout le monde veut devenir un chat. Il y a un solo de piano à un moment et c'est pile du Fats Waller. Et du coup, Fats Waller aussi, il faut le dire quand même, il a posé les bases rythmiques de par son jeu et sa créativité. Il a posé les bases rythmiques d'un genre de jazz qui allait devenir très connu quelques années après, dans les années 40, le swing. Okay. Il a représenté à lui seul toute la créativité, la jovialité et incarné la bonne humeur de la musique noire populaire américaine des années 20. Et pour illustrer tout ça, je vous propose d'écouter le morceau It's a Sin to Tell a Lie, enregistré à New York le 5 juin 1936. Et n'oubliez pas de guetter le fameux Oompa Oompa à la basse. À la basse. Merci Clément pour ton expertise et cette façon un peu romancée aussi, parce que de ce fait ça allait automatiquement sur l'histoire de Fats Waller. Eh bien les amis, c'est It's a Sin to Tell a Lie, comme tu l'as dit. Vous êtes sur Fadjet et bon début de week-end à tous. Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Hearts have been broken, yes, yes. Just because these words were spoken. You know the words that were spoken? Here it is. I love you, I love you, I love you, I love you. Yes, but if you break my heart, I'll break your jaw and then I'll die. So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Now get on out there and tell your lie. What is it? Thank you. lie, what I say. It's a sin to tell a lie. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors les amis, ce qu'il est tout à fait aussi possible de faire, on en parlait avec Clément hors antenne tout à l'heure, c'est aussi de réécouter des vinyles. Hein. C'est possible ici dans les studios de Fadjet d'amener directement le son, parce que là pour le coup bah, c'est un son d'époque, hein, celui qu'on vient de vous faire découvrir. Mais vraiment de l'écouter avec aussi le son vinyle, ça donne encore un charme en plus. Et c'est acoustique. Et c'est acoustique. C'est pas encodé et décodé par l'informatique. C'est ça, donc automatiquement modifié. Voilà. C'est juste des vibrations mécaniques, donc c'est un son plus chaud. C'est ça, donc ça c'est la possibilité aussi qu'on a ici à Fadjet. Eh bien les amis, on poursuit cette émission, on est encore ensemble pour une toute petite vingtaine de minutes. On vous souhaite une belle fin d'après-midi si vous nous rejoignez, c'est un coup d'œil dans le rétro. On a été voir du côté de la mode, maintenant on va aller voir du côté de la décoration, c'est ça Nick? Tout à fait François. Ah, on est toujours dans la prohibition. L'heure est grave. On parlait de prohibition aussi, juste avant de passer au macramé. La prohibition, il y a un bar aussi à Nancy, ils sont venus nous voir dans notre émission il y a quelques temps déjà. Un bar, salon de tatouage aussi, et en même temps brasseur. C'est Prohibition, ça s'appelle, c'est à Nancy. Et donc n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook. Et là, donc on a la possibilité de déguster des bières, je crois aussi donc des whisky, de se faire tatouer. Parce que c'est un tatoueur au départ, et avec un code bien précis d'aller dans le bar clandestin qui est juste derrière. Toute une ambiance. Il s'appelle le Prohibition. Le Prohibition. Ouais, c'est un bar, voilà, c'est vrai. Parce qu'il y a un autre bar, c'est à Strasbourg aussi, qui joue sur le côté Prohibition, qui s'appelle le Speakeasy. Et justement, les bars à l'époque s'appelaient les Speakeasy. D'accord. Parce que quand on allait au comptoir pour commander de l'alcool ou pour donner le mot de passe pour aller dans la deuxième partie où là l'alcool était servi, donc pour pas que les types du FBI entendent et soit au courant et fasse du flagrant délit, le barman leur demandait de commander doucement, de commander à voix basse le truc, ou de donner le mot de passe à voix basse. To speak easy. D'accord, ok. Et donc celui-ci, Prohibition, c'est au 126 rue Maréchal Oudinot à Nancy. Alors on continue donc là dans un autre registre, c'est la déco et c'est le macramé. Macramé, c'est joli comme mot. Oui, c'est bien ça. Et il nous faut des petites choses comme ça chez nous, c'est ça. Tu insistes là-dessus, alors que tout le monde, enfin, n'en voulait plus du tout, mais du macramé, mais là maintenant si. Pouléné et macramé. Mais moi je parle toujours de choses qu'on ne voulait plus et qui reviennent. Et bah, t'as raison. Si vous avez remarqué. Mais ça vient des années 70, c'est ça? Ben oui, c'était l'icône des années 70 et il faut dire que le macramé, ça redevient un petit peu tendance dans nos intérieurs. Bon, il y a quelques années, effectivement, en pensant au macramé, on avait un peu l'image de l'abat-jour des années 70 qu'il y avait dans la cuisine de Mémé et Pépé. C'est un peu étonnant, mais en fait, le macramé, on revoit partout et ça devient même tendance, très tendance. Tendance. En fait, macramé, voilà. Alors, du coup, l'origine un peu du macramé, tu vas nous en dire un petit peu plus? Alors, le macramé, en fait, c'est une technique de tressage de cordes. C'est un peu des jeux de nœuds, en fait, qui seraient nés des tisserands, donc arabes, du XIIIe siècle. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas tisserand, c'est plutôt vosgien comme nom de famille. Tisserand. C'est vrai que moi, j'avais un tisserand à l'école. On avait tous des tisserands. Bref. Donc, la signification un peu originale du macramé, en fait, c'est un mot arabe. C'était migrama. Donc migrama. Migrama, voilà, en arabe. D'accord. Et le macramé, en fait, le mot macramé, donc, en est dérivé. Ça signifierait, en fait, serviette rayée ou frange ornementale. Voilà. D'accord. Et puis, des fois, voile brodée. Donc, je vous mettrai aussi des photos. Il y a plusieurs définitions. Voilà, il y a plusieurs définitions. Il faut dire aussi que les marins, donc, ont joué un rôle assez important, donc, dans l'art du macramé. Parce que de la Chine, donc, au Nouveau Monde, à l'époque, en fait, ils ont vendu ou échangé leur propre réalisation de macramé et en fait voilà, ils ont aussi favorisé en fait l'essor du macramé donc à l'époque. D'accord. Alors aujourd'hui c'est bien sûr revisité hein, à la sauce 2017. Il y a une petite touche en plus, il y a quelque chose en plus. Alors aujourd'hui, effectivement, donc en 2017, le macramé, bah, vous le voyez un peu partout, mais j'insiste, si vous feuilletez les revues de déco, vous pouvez notamment voir des suspensions pour plantes. Des suspensions pour plantes? Oui, tout à fait. Donc en extérieur? En extérieur. Donc en fait, vous mettez la plante verte avec le pot, en fait, vous le suspendez en fait au plafond. C'est justement donc pour faire prendre un peu de hauteur en fait au macramé. Donc en fait, c'est plus ringard en fait. C'est plus ringard. C'est vrai que C'est vrai que ça avait une connotation un peu ringarde, mais maintenant vous avez des suspensions macramées, donc de différentes couleurs, et vous pouvez suspendre vos plantes, soit chez vous, ou même sur une terrasse. Voilà. Vous avez aussi des décorations murales, donc qui se font en macramé. C'est sans doute, je dirais, la version un peu plus sympa, la plus intéressante. Ça mêle un peu la technique et l'esthétique, et puis ça fait un petit peu une déco un peu bohème. Chez vous, donc c'est sympa. Bohème chic, voilà, bohème chic en fait. Et puis c'est quand même de l'art, parce que c'est des techniques de tressage de cordes, donc c'est du boulot. Alors nous ici, dans un coup d'œil dans le rétro, on aime faire appel à du local, hein, du bien de chez nous. Oui. Vers qui on peut se tourner? Alors si vous voulez trouver des créations en macramé, on a une copine, voilà, qui s'appelle Amélie, qui a une boutique en ligne. Sa boutique s'appelle Tiny Sneak. C'est Tiny Sneak Peek. Oh, ça y est, voilà. Bah, écoutez, l'anglais, maintenant, il se la pète, en fait. C'est Madame Royer, mon prof d'anglais de CM2, qui m'a dit que j'avais un bon accent. Donc, ouais. Tiny Peek. Bon, notre copine Amélie, en fait, voilà, elle en vend sur sa boutique. Il y a un blog donc, qui porte le même nom. Tiny Sneak Peek. Pouvez la contacter donc, sur l'adresse suivante, tinysneakpeek@gmail.com. TinySneakPeek. @gmail.com. De toute façon, on vous mettra. Est-ce que tu pourrais l'appeler en anglais? De toute façon, on le mettra sur la page Facebook. On va relayer aussi son blog. Voilà, elle a aussi un Instagram. Vous pouvez la retrouver aussi sur Pinterest. Enfin, voilà, elle fait vraiment des créations super sympas. Et est-ce qu'elle fait ses suspensions? Oui, elle fait ses suspensions. Là, il y a plein de photos. Vous pouvez vous y rendre en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, remettez du macramé chez vous. Clément, t'en as? Non, bah, voilà. C'est une erreur. C'est une erreur des années 70. Bon, toi, ta déco est un petit peu plus en amont. Années 70, quand même. C'est trop tardif pour toi. C'est vrai. Et toi, madame? Non, pas spécialement. Je me tournerai plus vers les pollinés pour moi-même. Bon, bah d'accord. De toute façon, on vous donne, vous disposez. C'est comme ça que ça se passe ici dans un coup d'œil dans le rétro. Et on mettra des exemples, des photos, des images sur notre page Facebook. Allez, on fait une. Ça va être quasiment la dernière pause musicale du jour. Tout le monde, mais bien sûr que tout le monde connaît. One, two, three o'clock. Tout du moins Bill Haley, bien sûr. C'est Rock Around the Clock sur Fadjet, les amis. Bon début de week-end si vous allez être en week-end demain ou après-demain. Sinon, bonne fin de journée à tous. Et merci d'être avec nous. Un coup d'œil dans le rétro sur Fadjet. We'll be right back. Yes, Bill Haley, Rock Around the Clock. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. De toute façon, 2017-2018, c'est l'année de mon bilangage. Je deviens parfaitement bilingue parce que tu vois, je me suis suffisamment entraîné sur les matinales. D'accord. Oui, petite promo au passage, les matinales de Fadjet ont repris depuis cette semaine de 7h à 8h30 tous les jours avec une particularité, c'est qu'il y a aussi une matinale le samedi matin, donc demain matin de 8h à 9h, 8h30 à 9h. Par le matin, ça existe aussi le samedi. Samedi commence à midi. C'est ça. depuis mais cette le samedi, année. Du coup, elle est plus tard. Elle est plus tard. Oui, ah bon, oui, bon oui. Voilà, bon, parce que effectivement, Fadjet reste une radio de bénévoles, beaucoup. Hein, il y a les permanents, hein, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles, et ça leur permet, eh bien, de repousser un peu la mini grasse ce matin. Mais par contre, toute la semaine, pour le coup, les bénévoles se succèdent. Ils sont pas moins de 25 quasiment, de 7h à 8h30, avec une matinale différente chaque jour. Un coup d'œil dans le rétro pour notre part. Eh bien, c'est une fois par mois, et c'est tous les troisièmes vendredis du mois. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, je le répète, Fadjet, un coup d'œil dans le rétro. Bien sûr, d'aller aussi nous écouter ou nous réécouter sur notre site internet www.fadjet.net. Et bien, rubrique un coup d'œil dans le rétro, vous aurez les podcasts, nos invités qui sont passés nous voir, enfin plein de choses. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous pour cette cinquième saison. Et aussi, je le disais tout à l'heure, faites-nous part de vos événements, parce qu'il y a un monde, il y a une vie locale au niveau de ces événements rétro, vintage, ancien, je ne sais pas quel langage on utilise, mais tout est possible, que ce soit de la brocante, que ce soit eh bien de la friperie, hein, ou que ce soit de l'événementiel musical, du concert, eh bien n'hésitez absolument pas. C'est comme ça que chacun sont venus ici autour de cette table. En l'occurrence, Christelle est venue pour présenter eh bien ce qu'elle faisait avec la pin-up et tout ça, ouais, toute son activité, et aussi Clément avec le club Saint-Lambert. C'est comme ça un petit peu que l'équipe s'agrandit chaque année. On n'en est pas peu fiers, hein, Anaïk. C'est vrai, les gens viennent et puis après en fait. Voilà, ils restent. En fait. Ils restent, ils reviennent faire des chroniques, ils reviennent nous faire des coucous, enfin, il y a plein de choses. Et donc, on va passer, eh bien, avec cette transition parfaite, au, événements locaux pour ce mois de septembre-octobre. On va jusqu'en octobre, parce que la prochaine émission sera le 20 octobre, je crois. La prochaine émission, le 20 octobre. Le 20 octobre. Ouais. Donc, il y a des sorties à faire au niveau local, on va le dire. Et notamment, eh bien, demain, avec une soirée rock'n'roll, années 50-60, avec le groupe Vintage, qui était venu, qui s'appelait anciennement... C'était pas les Prétoriens qui s'appellent Vintage maintenant ? Oui, oui tout c'est à fait. Ça. Ils étaient venus aussi dans une émission il y a quelques temps. Et donc, le groupe Vintage, de 21h à minuit, à la base de loisirs, les étangs du Longeau, le Foxy Camp. J'espère que j'accroche pas ou j'écorche pas le mot. L'entrée est libre, la restauration et la buvette est sur place. Dimanche, donc de 14h à 20h, donc les Dominicultes chez Paulette donc, reprennent. L'entrée est gratuite. Vous pourrez y retrouver de belles bécanes, de belles motos hein, pour les fans. Mais aussi pas mal d'invités qui sont déjà passés chez nous dans Coup d'œil dans le rétro. Donc notamment Motard à la Française, Hélène Gantès, mais aussi Christelle. Voilà, tu nous en as parlé un petit peu en début d'émission. J'y serai aussi dimanche avec mes pin-up modernes, les cartes postales, les coussins, les trousses. Voilà. Les peut-être, Dominicultes. Peut-être une petite illustration spéciale avec une moto. On va voir. Tu fais des choses sur l'instant aussi ? Non. Non, c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est voilà. Ok, je t'ai balancé un truc là. Non, tu vois, moi je veux toujours plus des gens. Tu vois, Christelle, je t'épuise. J'en veux toujours plus. Vendredi 22 et samedi 23 septembre, il y a des choses aussi. Hein. Oui, donc la friperie ambulante éphémère, donc The Frip Show, donc ils sont déjà venus aussi nous voir. Donc s'installe au Boucle Art. J'ai toujours du mal à le dire. Boucle Art, ouais. Voilà. Il n'y a pas de thé. C'est Boucle Art. On dit Boucle Art. Ah oui, on dit Boucle Art. Oui, c'est ça, c'est Boucle Art. Voilà. Donc un large choix de pièces uniques, donc chinées par eux-mêmes. Donc des vêtements, des accessoires pour hommes et femmes, des objets aussi de brocante. Mais ça continuera aussi donc, le dimanche de 14h à 17h, donc rue Henri Bazin à Nancy, et l'entrée est gratuite. Donc n'hésitez pas à y aller. Et Laura qui sera le mois prochain eh bien, dans notre émission aussi, eh bien, pour nous faire part un peu des objets anciens qu'elle a dénichés ou qui se remettent au goût du jour. Super. Aussi. Une chroniqueuse de plus. Samedi 23 septembre, Mathieu qui est venu aussi nous voir. Mathieu Loingereau, il est venu dans une émission, il fait partie aussi du club Saint-Lambert en tant que musicien. Mathieu Loingereau Trio, hein, sous son nom, pour un concert, est de 20h30 à 23h30 à la Nef à Saint-Dié-des-Vosges. Super trio. Là, voilà, super. Ouais, c'est chouette. Ils étaient chez Clément en concert privé. Il paraît, la crémaillère, ouais, il y a quelques temps. C'était absolument génial. L'entrée au concert, c'est 10 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Il y a une petite restauration sur place. Et les réservations à l'office du tourisme de Saint-Dié-des-Vosges. 03 29 42 22 22. Dimanche 24 septembre, Anaïk. De midi à 17h, donc après le burlesque caravan, donc Cab Nomade donc, organise son premier bal en guinguette donc, au parc de la Cure d'Air, ouais, donc à Nancy. Vous avez aussi une restauration sur place, un peu en mode pique-nique. Donc c'est 8 euros en pré-vente, plus des frais de location, donc 10 euros sur place. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et il y a un dress code un peu champêtre rétro qui est recommandé, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Venez avec des chemises Vichy. Voilà, hein, écoute, on va avec une chemise. Avec un canotier. Voilà, c'est canotier ça, en paille. Chemise Vichy. J'espère par contre qu'ils auront le soleil pour eux, parce que sinon, voilà, ça va être difficile. Parce que nous, ici à Fadjet, petite aparté, on est à la fête des associations ce dimanche, à la pépinière à Nancy, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et j'espère, mais paraîtrait-il, on a regardé la météo tout à l'heure, qu'il va faire, alors je peux pas vous annoncer quand même le temps des Baléares, hein, c'est pas le cas, mais il fera pas, il y aura pas de pluie, voilà, il n'y aura pas de pluie. Ça se passe ce dimanche à la fête des associations à la Pépinière. Mardi 26 septembre, soirée swing organisée par l'association Metz Swing. Du coup, si on est du côté de Metz, de 20h à 23h au caveau du café La Jeanne à Metz, au programme 20h-20h30, initiation au Lindy Hop, et de 20h30 à 23h, pratique libre swing, social dance, et l'entrée est gratuite. Quoi d'autre ? Le week-end, donc là je vais un peu plus sur octobre, donc le week-end du 7 et du 8 octobre, donc de 10h à 19h, donc le salon du vintage débarque au parc des expos, donc à Strasbourg, donc je m'éloigne un petit peu effectivement. Il y aura plus de 100 exposants, il y aura de la mode, des accessoires, du mobilier, des vinyles, un petit peu de tout. Des nombreuses animations aussi avec des tatous, des barres à ongles, des coiffures, du make-up, des barbiers. Stands sucrés et salés donc seront également présents, l'entrée est 5 euros. Et puis bien sûr, il y a Clément. Clément et Club Saint-Lambert, le Club Saint-Lambert qui fait son premier événement de la saison, on peut le dire. Ainsi, c'est ça, Clément, je ne me trompe pas. Oui, c'est le premier, là, c'est le tout. 21 c'est tout septembre. Le premier. 21 septembre au Caméo. Donc, on le rappelle avec le célèbre Métropolis de Fritz Lang, pionnier des films de science-fiction. Et à l'occasion, notamment aussi des 90 ans de sa sortie en salle, on retrouve ce fameux long métrage, mais avec encore un plus made in Club Saint-Lambert, c'est des arrangements originaux avec votre pianiste Vincent Houplon. Tout à fait, ouais. Un pianiste de Nancy d'ailleurs. Et les informations, eh bien, sur le club, le site du Club Saint-Lambert, la page Facebook du Club Saint-Lambert. Donc rendez-vous, eh bien, le 21 septembre. Tu y seras, Clément, je suppose. Oui, j'y serai. C'est mieux. Tu y seras, c'est mieux. En plus, c'est un film que je n'ai jamais vu. Je vais le découvrir accompagné au piano. Ça va être top. Ouais. Les amis, c'est la fin de notre émission, malheureusement. Comme ça, une heure déjà. Hein. Je pense qu'on a pris plein de choses. Moi, je suis super content. On a fait une belle rentrée. Je vous félicite. Je suis heureux de ça. En tout cas, on nous retrouve le 20 octobre prochain. Est-ce que vous serez là ? Ah, c'est pas. Christelle, peut-être. Vos agendas. Christelle, est-ce que là, Clément, tu viendras nous faire un petit coucou ? Je viendrai et je ramènerai même un vinyle. C'est comme ça. La famille s'agrandit. Les amis, on est très heureux. Anaïk sera là aussi au rendez-vous. Ça, sans nul doute. Les programmes continuent sur Fadjet. Restez à l'écoute et surtout, faites vivre le spectacle vivant, le spectacle musical. Voilà, sortez, amusez-vous. C'est pas parce qu'il pleut ici en Lorraine, on a le cœur chaud, on le dit souvent, c'est un peu le cas. Et surtout aussi, restez à l'écoute de notre émission, toujours via notre page Fadjet, un coup d'œil dans le rétro. À bientôt, ciao.